Chapitre 5. Odyssée dans l'inconnu. Le lendemain, la nuit est avancée. À l'hôpital, les malades dorment, les soignants se reposent, le silence est complet. Dans une petite chambre, faisant partie de l'infirmerie de permanence, une lampe de chevet est allumée. Karim ouvre le premier livre, emprunté chez son vieil ami. La révolution inconnue, de l'auteur russe Bolin. Très ému, le jeune infirmier a conscience de l'aventure dans laquelle il s'engage. Connaître la vérité, celle généralement occultée par ceux qui profitent de son ignorance. Karim est, d'abord, saisi par le genre de mots employés. Très précis, constate-t-il, très concret et très fort. L'auteur écrit de manière claire et nette. Rien d'un lécheur de vote, rien d'un manipulateur, rien d'un affabulateur, rien d'un confus. En poursuivant la lecture, Karim se rend compte d'un handicap. Il n'a pas l'habitude de lire des livres. Réussirai-je à me concentrer, à tout comprendre? Après un certain nombre de pages lues, il arrive à une nette impression. L'existence de quelque chose de commun entre ces personnelles vicissitudes syndicales et les événements relatés par l'auteur. Il suffit de remplacer soviet par section syndicale, autorité tsariste puis autorité bolchevique par autorité algérienne. Il devient alors évident que le phénomène est identique, là-bas et ici, malgré les différences d'époque et de pays. Une révolution populaire est devenue une contre-révolution causée par ceux-là même qui se proclamaient révolutionnaires. La découverte est immense et surprenante pour le jeune infirmier. Il redouble d'attention dans la lecture des faits relatés et des analyses les éclairant. Il apprécie vivement le style, simple et clair, exposant des faits concrets, parfois complexes, mais présentés de manière compréhensible et logique. Jamais Karim n'avait lu ce genre de texte. Les articles de journaux, dans leur majorité, l'ennuient. Il manque de ce qui fait la qualité de l'ouvrage de Bolin. Karim en vient à constater « J'ai tellement de choses à savoir. Pour y parvenir, je dois absolument élargir mon horizon de connaissances au-delà de l'Algérie. Alors je la comprendrai certainement mieux. » Jusqu'à l'aube, l'esprit tendu, malgré la fatigue, il continue sa lecture enfiévrée. Ses yeux lui picotent. Il les tient ouverts, tant sa soif de connaissances est impérieuse. Et le plaisir ressenti est délicieux. C'est que le jeune homme découvre avec une totale surprise un événement social fondamental du début du siècle dernier. Comment, en Russie, de simples travailleurs et de simples paysans sont parvenus spontanément à constituer un nouveau pouvoir, totalement inédit, libre, autonome et solidaire, et comment ils ont été vaincus par ceux-là même prétendant être leurs représentants les plus loyaux. Karim est amèrement stupéfait de la tromperie dont il a été victime. On m'a fait croire que la révolution russe fut l'œuvre des bolcheviks, dirigée par le général Lénine et son collègue non moins génial Trotsky, alors que la réalité fut tout autre. Ces derniers s'étaient contentés de chevaucher le mouvement populaire pour en prendre le contrôle. À travers cette manœuvre, ils ont conquis le pouvoir. Pour s'y consolider, ils avaient massacré les travailleurs les plus conscients et les plus résolus à opérer l'authentique changement social au bénéfice du peuple. Les prétendus révolutionnaires se sont révélés être des bourgeois d'un genre nouveau. Ils ont tué l'idéal qu'ils proclamaient défendre. Alors je comprends que le système n'a pas duré longtemps. Il s'est écroulé comme un château de sable, non pas détruit par l'impérialisme, mais ses propres contradictions internes, par la totalitaire exploitation auquel le peuple était soumis en usant de la terreur la plus cruellement raffinée. Voilà pourquoi aujourd'hui on est tellement désorienté, ne sachant quoi faire. C'est parce qu'on ignore la vérité des faits. Suivant l'exemple de Silakdar, le combattant suicidé, Karim s'était intéressé aux travailleurs de l'établissement où il s'activait. Cette préoccupation eut comme résultat son élection, par ses collègues, comme secrétaire de la section syndicale de l'hôpital. Rapidement, le nouveau représentant se rendit compte de la difficulté de sa mission. D'une part, la direction de l'établissement n'appréciait pas un réel défenseur des intérêts des travailleurs. D'autre part, Karim ne disposait pas de la formation suffisante pour bien affronter les obstacles bureaucratiques hostiles à son action. Il provenait d'un fait. Le syndicat où militait Karim n'était pas celui officiel, courroie de transmission et chien de garde de l'État, mais un organisme autonome, libre, réellement au service des salariés de l'hôpital. Soudain, la porte de l'infirmerie s'ouvre. « Tu ne dors pas ?» s'étonne la nouvelle arrivée. C'est Zoubida, une jeune femme d'une trentaine d'années, d'agréable aspect, vêtue en médecin, à l'allure plaisante. Notant le livre ouvert entre les mains de Karim, elle relance, plus surprise. « Tu lis ?»« Oui. »« Et c'est quoi ?» Il prend son temps. « Ce n'est pas le genre de personne avec laquelle je peux être complètement sincère. » Il répond. « Sur la société, comment elle fonctionne ?»« Ah, alors là ?»« C'est beaucoup plus compliqué que de savoir comment fonctionne le corps humain. Je préfère me limiter à ce dernier, pour m'éviter une vilaine migraine. » Karim la dévisage sans répondre. Il la connaît bien. Auparavant, plus d'une fois, il avait essayé de la convaincre de quitter le syndicat gouvernemental pour rejoindre celui autonome, vainement. Zoubida avait fini par donner son motif. « Je préfère être du côté des puissants, pour éviter de me causer des ennuis. Et la solidarité envers les faibles, qu'en fais-tu? Ils ont Allah pour les aider, » répliqua-t-elle avec un éclat de rire, montrant inconsciemment son absence de foi en ce recours. « Tu y crois vraiment ?» Karim ne pose pas la question par naïveté, mais pour découvrir comment sa collègue s'y prendra pour mentir. « Je suis musulmane, tu sais, » proclame-t-elle, « et je pratique régulièrement la zakat, l'aumône envers les pauvres, prescrite par le Coran. « Tu crois qu'elle suffit ? Saurais-je mieux que le Coran ce qui est suffisant ?» Que lui répondre ? Sachant la susceptibilité de la dame, il tente avec délicatesse. Ce qui fut dit voilà très longtemps dans le cadre de tribus dans un désert, ne doit-il pas être complété par quelque chose d'autre, 14 siècles après? Le Coran est éternel, mon cher, et tout est dedans, ne le sais-tu pas? Karim insiste encore avec un sourire. Pourtant, il recommande les djihad al-kabir, le grand effort intellectuel, pour raisonner afin de trouver les solutions correctes aux problèmes inédits. Les yeux de Zoubida s'écarquillent, perplexes. L'un des aspects du caractère de Karim est d'aimer taquiner de manière sympathique, tant les autres que lui-même. C'est sa méthode pour écarter de lui les deux mots les plus répandus, la résignation mortifère et la haine destructrice, causées par tant de situations. Presque chaque jour, dans la rue ou au travail, Karim est confronté à des comportements désagréables. Il faut pourtant ne pas perdre la bonne humeur, malgré tout, pour ne pas couler. « Aïe, aïe, aïe !» répliqua le collègue. « Ne prêche pas, tu vas me causer un mal de tête. » Elle étale une expression de satisfaction convenue et conclut. « Des malades m'attendent. Et toi, ne te laisse pas embrouiller par Shaitan, Satan, qu'Allah le maudisse pour l'éternité. » Sans permettre à Karim de répliquer, elle sort. Il en demeure peiné. Impossible. Impossible de toucher un esprit quand le cœur est insensible. Il se rappelle comment un changement décisif s'opéra en lui. À l'hôpital, il avait assisté une vieille paysanne pendant ses derniers jours. Elle souffrait d'une très douloureuse diarrhée causée par un aliment avarié. Par manque de ressources, cette femme avait l'habitude de recueillir par terre, au marché, tout ce qui traînait, susceptible d'être mangé. Elle a fini par s'empoisonner. Tombée malade, elle se savait condamnée. Cependant, Karim remarqua combien le médecin responsable de cette patiente accomplissait mal son travail. « Elle pue trop », avait-il osé dire comme justification. Un soir, Karim rejoignit la malheureuse, juste après avoir aperçu son médecin qui s'en éloignait vivement d'un air dégoûté. Le visage de la souffrante était baigné de larmes. « Qu'est-ce qu'il y a, Yama ?» demanda Karim avec une extrême douceur, touchée par le visage émacié de la mourante. Elle chuchota avec difficulté, de sa bouche sans dents. « Dans notre douar, quand une chèvre ou une plante est malade, nous lui accordons toute notre attention. » Karim comprit l'allusion au médecin. « Soigner le corps est important, » ajouta la femme. « Plus important est soigner un rou, un nafs, le souffle, partir. Autrement, on n'irrit pas et on meurt mal. » Cet événement et ces mots ouvrirent les yeux de l'infirmier Karim. « Oui, oui. » Il faut d'abord soigner un roux, un nafs, pour soigner le corps. De là vint sa décision de prêter son attention aux conditions spirituelles d'exercice de son noble métier. Il y déployait tout son zèle. Malheureusement, les formes d'organisation de l'hôpital et le traitement des salariés se révélaient contraires à l'accomplissement satisfaisant de la mission de l'établissement. Quant à la section syndicale officielle, dépendante de l'État, ses représentants se contentaient de passe-droits encouragé et accordé par la hiérarchie pour disposer d'agents serviles. Vers le jour où Karim et quelques collègues les plus consciencieux songèrent à créer une cellule syndicale autonome afin de trouver des solutions pour effectuer correctement leur travail, Karim fut encouragé à assumer le secrétariat de cette organisation. « Bien que je ne sache rien du syndicalisme, Comment refuser sans paraître égoïste ou lâche? Ainsi il devint représentant syndical de base. « Il me reste à assumer convenablement ma mission, se dit-il. »